Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 8. De l'existence de Dieu dans les êtres. Dieu seul étant tout et partout, par son essence, par sa puissance et par sa présence. 1. Dieu est-il en toutes choses? Dieu est intimement dans toutes les choses, non comme une partie de leur essence ou comme un de leurs accidents, mais comme l'agent est présent à ce qu'il fait. Ne faut-il pas que l'agent soit en rapport immédiat avec l'être sur lequel il opère? Or, Dieu étant l'être par essence, la créature ne peut être que son effet propre, comme l'ignition est l'effet du feu. Et cet effet, Dieu le produit dans les choses non seulement à leur origine, mais tant que dure leur existence, c'est ainsi que le soleil continue de produire la lumière dans l'air tant que l'air est illuminé. Dieu est donc présent à l'être d'une chose tant de temps qu'elle existe. Mais l'être, n'est-ce pas ce que les créatures ont de plus intime et de plus profond? Oui, assurément, puisqu'il est la forme de tout ce qui existe. On le voit, Dieu est en toute chose, et de la manière la plus intime, comme produisant l'être de tout, bien qu'il soit au-dessus de tout par l'excellence de sa nature. Note. Nous pouvons nous servir de cette locution, tout est en Dieu, parce que Dieu renferme tout à la manière des choses spirituelles qui, comme l'âme par rapport au corps, contiennent les choses dans lesquelles elles sont. Il est pareillement permis d'employer cette autre expression, tout est près de Dieu, puisque tout a Dieu en soi et que tout est en Dieu. Remarquons toutefois que, si la nature des êtres vient de Dieu, il n'en est pas de même de leur dépravation par le péché. C'est pourquoi quelqu'un qui dirait que Dieu est dans les démons devrait ajouter ceci, en tant qu'ils ont l'être. Mais l'on dira, sans restriction, que Dieu est dans les choses dont la nature n'est pas dépravée. Tel est le sens de ces paroles d'Isaïe, « C'est vous, Seigneur, qui faites en nous toutes nos œuvres. » Isaïe 26, 12. Fin de la note. 2. Dieu est-il partout? Dieu est partout. Il disait lui-même au prophète Jérémie, « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» Jérémie 23, 24. Son omniprésence est évidemment une suite des vérités précédentes. Il est partout, non seulement parce qu'il donne l'être, la puissance et l'action à ceux qui remplissent les lieux, mais encore parce qu'il est le créateur des lieux eux-mêmes, auxquels il confère la vertu de recevoir les objets. Sans doute il n'est localisé nulle part à la façon des corps qui, par leur impénétrabilité, bannissent les autres corps du lieu où ils sont, mais il est partout à la manière des substances spirituelles, sans exclure les autres êtres. Note. Les êtres spirituels, indivisibles de leur nature, existent dans les lieux par leur puissance, et non par aucune dimension qui se puisse calculer, aussi n'ont-ils pas pour mesure les limites du lieu où ils sont présents. Ils peuvent être encore ailleurs. C'est ce qui a lieu, en général, pour l'essence de toutes les choses. La blancheur, par exemple, considérée dans son essence, n'est-elle pas tout entière à la fois dans une surface et dans chaque partie de cette surface, du moins pour les propriétés qui caractérisent son espèce? Notre âme n'est-elle pas tout entière dans chaque partie de notre corps? Ces similitudes doivent nous aider à concevoir que Dieu est tout entier présent dans chaque lieu, et dans tous les lieux en même temps. Fin de la note. 3. A-t-on bien défini l'existence de Dieu dans les choses en disant qu'il est dans toutes par son essence, par sa puissance et par sa présence? Voici ce que dit Saint Grégoire dans le commentaire sur le Cantique des Cantiques. Dieu est d'une manière générale dans tous les êtres par sa présence, par sa puissance et par sa substance. mais il est familièrement dans certaines créatures par sa grâce. Dieu est dans tous les êtres de deux manières. Il y est d'abord comme cause agissante, et c'est ainsi qu'il est dans toutes les choses qu'il a faites. Il est ensuite par sa grâce dans la créature raisonnable qu'il aime actuellement ou habituellement, c'est de la sorte qu'il est dans l'essaim. Pour savoir comment il existe de la première façon dans toutes les choses créées, on peut prendre des comparaisons dans les affaires humaines. On dit qu'un roi est dans tout son royaume par sa puissance, encore bien qu'il ne soit pas personnellement présent partout. On dit qu'une personne est par sa présence dans tout ce qu'elle a sous ses regards et dans sa dépendance, quoiqu'elle ne soit pas substantiellement dans chaque partie de sa maison. On dit encore qu'un être est par sa substance ou son essence dans un lieu, quand sa substance se trouve dans ce lieu même. Voilà le langage humain. Eh bien, Dieu est dans tous les êtres par sa puissance, parce que tout est soumis à son pouvoir. Note. Ceci va contre les manichéens, qui prétendaient que les choses visibles et corporelles étaient assujetties aux mauvais principes. Fin de la note. Il est dans tous les êtres par sa présence, parce que tout est à nu et à découvert pour ses yeux. Note. Cette vérité condamne ceux qui disent avec l'impie, dans Job, Dieu se promène sur la voûte des cieux et ne considère pas nos œuvres. Job 22, 11. Fin de la note. Il est dans tout par son essence, parce qu'il est dans tout comme cause de l'être, non pas qu'il fasse partie de l'essence des choses, mais en tant qu'il est la cause de tout ce qui existe. Dieu a créé toutes les choses immédiatement, contrairement à la doctrine de ceux qui ont prétendu qu'il n'a créé qu'un certain nombre d'êtres chargés d'achever son ouvrage. 4. Dieu seul est-il partout ? Une chose existe partout lorsque, dans toute hypothèse possible, elle est nécessairement en tout lieu tout entière et par soi. Or, c'est là le propre exclusif de Dieu. Imaginons, en effet, un nombre infini de lieux par-delà ceux qui existent, il y sera nécessairement, puisque rien n'existe que par lui. Si nombreux donc que soient les lieux qui existent, Dieu est dans chacun d'eux, non par ses parties, puisqu'il n'en a pas, mais par lui-même, et c'est là ce qui s'appelle être partout absolument. Qu'on ne nous parle pas d'un corps qui soit partout, de l'univers, par exemple. Un corps n'est pas tout entier dans tous les lieux primairement, il n'y serait, au plus, que par ses parties. Il n'y est pas non plus par soi, car, si l'on supposait d'autres lieux que ceux qui existent, ce corps n'y serait pas. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.